Bienvenue sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Price qui va nous parler de la Mix Art d'été qui va se passer le 10 juin. Oui, c'est ça. Au Bélano. Ils ont ouvert les portes quand même l'année dernière. Voilà. Donc pour l'anniversaire, premier anniversaire. C'est normal de le refaire là-bas. Voilà, on va développer tout ça. Il y a Tiliac. Tiliac, oui. Tiliac. Bonjour à tous, Tiliac. Bonjour. Voilà, et vous faites quoi, Tiliac? Alors moi, je suis compositeur de musique électronique. D'accord. Et il y a Franck, que nous connaissons, qui est de Monteux, qui est installé traversée des arts. Et que tout le monde connaît, il est très connu dans le monde entier, on peut le dire. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Josie. Bonjour tout le monde et à nos invités. Voilà, bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Claudie, bonjour l'équipe, bonjour Alain. Bonjour Alain qui va nous parler d'un livre. Bonjour tous. Voilà, et là on entame le vif du sujet. Bon, Jérémy, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je sais que... On peut se tutoyer maintenant. Ouais. Oui, on peut se tutoyer, mais moi j'ai le chef, il me dit... Allez, on va faire vous alors. Bon, on est spontané. Allez, on y va. Bon, Jérémy, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie? Exactement. Eh bien alors, je suis organisateur et concepteur coordinateur d'événements. Voilà. Et dont, justement... cette Mix Art qui ou même vous me suivez depuis plus d'un an. Voilà, et pour c'est un an, ben voilà, toujours la même chose, mélanger l'art, voilà, sous toutes ses formes, tout en faisant quand même un petit peu la fête. Ouais, je crois que c'est le but. C'est le but, c'est surtout le but, voilà, d'amener des gens, peut-être qui sont peut-être pas férus d'art, mais en tout cas, pouvoir s'amuser ou ne serait-ce que boire un verre tout en admirant des performances que certains artistes vont faire, ou voilà, flâner à travers justement le site où ça se passe pour pouvoir découvrir des œuvres de pas mal d'artistes. Voilà. Et échanger, je crois que c'est, Le but, c'est surtout d'échanger. Parce qu'en plus, les clients, j'aime pas dire ça, mais oui. Parce que c'est pas des clients, mais les personnes qui seront présentes pourront aller voir justement les artistes, aller justement à leur rencontre pour s'ils ont des questions à poser, voilà. Et puis en même temps, ça permet de faire des échanges, l'artiste déjà de voir un petit peu aussi son public, parce qu'il y a aussi les artistes aussi, mais il y a des gens qui les connaissent, donc il y en a qui vont venir, d'autres qui vont peut-être qui les connaissent pas, mais qui vont apprendre à les découvrir. Donc le but, c'est vraiment voilà d'échanger et dans une ambiance festive. D'accord. Et vous avez la Mix Art d'hiver et la Mix Art d'été. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, le temps. Ouais, le temps. Le temps. Voilà. Oui, je suis témoin. Le temps. Simplement, c'est que depuis, c'est vrai qu'il y a eu du changement. Il y a eu donc cette Mix Art qui est passée cet hiver. Voilà. Mais à partir donc de là, on fête les 1 an. Donc, je suis super content déjà parce que ça paraît pas, mais 1 an, il y a beaucoup de travail derrière. Et en plus j'ai rencontré plein de gens super, des artistes super, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et donc du coup maintenant j'ai pris la décision de le faire qu'une fois par an. Je pense que ce serait bien, oui. Voilà. Je pense que c'est plus concentré et peut-être plus... Oui, voilà, ouais. Et puis ça permettra aussi de peut-être d'améliorer aussi certaines choses, parce que rien n'est parfait, même si j'adore la perfection, mais la perfection n'existe pas. Donc, mais en tout cas, voilà, et puis non, c'est beaucoup. Logistiquement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de recherche, beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'une fois par an, le rendez-vous, je pense que c'est bien. Et comme ça, en plus, on fera l'anniversaire une fois par an. Donc on pourra boire, manger des petits fours. Exactement. Ça sera bien. Bon, on fait une pause, on se retrouve tout à l'heure et on continue. Allez. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Oh, avec toute notre équipe et Jérémy avec ses deux autres invités. Et on va en parler un peu plus avec eux tout à l'heure. Jérémy, on était en train de parler de cette fête que tu vas donner bientôt et de, que tu veux après le faire une fois dans l'année. Oui, tout à fait. Cette fête, elle va avoir lieu où ? Alors, elle va avoir lieu justement au Bellano, qui nous avait accueillis justement l'année dernière, qui est donc 2155 chemin de la Barthelas, sur l'île de la Barthelas à Avignon, 84 000 bien sûr. D'accord, il y aura quoi au niveau de cette fête ? Alors il va y avoir quand même pas mal de choses, parce que comme c'est un anniversaire, donc autant qu'à faire, voilà, essayer que ce soit bien festif. Il va y avoir donc un concert à peu près d'une petite heure justement d'un artiste qui s'appelle donc Nikolaï Vassiliev. J'espère ne pas écorcher, mais que Vassiliev, vous avez Vassiliev, voilà, Vassiliev. Que d'ailleurs Francesco a reçu récemment, oui. Voilà, il n'y a pas longtemps chez vous. Après il va y avoir donc trois autres DJ, donc bah, justement donc Mr. Tilak là qui est à côté de moi, mais plaisir d'être là, oui. Mais qui va faire voilà, qui va faire son lancement d'album, parce qu'on ne peut pas dire plutôt qu'il est DJ, parce que lui il est vraiment compositeur. Donc c'est encore différent, c'est encore une autre sphère, encore complètement différente. Après on a donc deux autres, on a encore quelqu'un aussi qui se produit, donc qui est Nico Fernandez. Et après il y aura un DJ aussi qui est donc Munka qui sera présent. Voilà. Il va avoir donc Faustine de Jode, qui est un petit bout de femme magnifique, gentille comme tout, et en plus qui a un talent énorme dans les mains, qui fait du body painting. Donc elle va faire une grande pièce. Quand j'ai une grande pièce, désolé, parce, bon, il y aura une femme, voilà, mais qui sera body qui a été intégralement. Oui, non, parce que quand je réfléchis à une grande pièce, je me dis, non, mais une grande pièce. Elle est non, très grande cette femme. Est-ce que c'est comme l'année dernière pour Carole? Alors ça va être, on peut dire que ça peut être peut-être un peu similaire, mais là ça va être complètement différent, parce que l'année dernière, si vous en souvenez bien, il y a eu Soc donc qui était venu, qui avait fait déjà un grand grave d'une tête de tigre, où après justement Carole, d'ailleurs je lui dis bonjour, s'était mis sur le grave, et après elle a été intégrée en fait au grave. Donc ça reste du body painting, mais c'est différent, elle s'est intégrée dedans. Là elle va vraiment faire quelque chose simplement qu'avec le corps, donc avec les formes. Après, avec selon comment elle va bouger, ça va donner vraiment quelque chose, un effet. Ah ouais, c'est voilà, c'est ça aussi, une autre forme encore artistique différente. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs. Voilà. Après, il y aura justement qui est à côté de moi, que j'ai demandé de venir, Franck Guarinos, et qui est artiste plasticien, qui fait énormément de choses, de la photo, mais pas que de la photo, aussi des tableaux en encre de Chine. Donc lui, et aussi, il se trouve à la traversée des arts à Monteux. On peut aller voir. Monteux. Voilà. Rue de la République. Quand il est là, on y va. Parce qu'il s'en va souvent, oui. Oui, si on le suit un peu, il voyage beaucoup quand même. Oui. Tant mieux. Tant mieux pour lui, attends. Et donc il va faire aussi une très belle performance, on en a parlé ensemble, sur un très grand tableau. On va pas dévoiler ce que c'est, parce que sinon il n'y aura plus non plus la surprise, comme par exemple Faustine. Mais lui par contre il va travailler avec de l'encre de Chine. Voilà. Donc voilà, il va avoir énormément de. Voilà, donc il va avoir un concert avec un chanteur, il y a avoir de l'art. Il y a de l'art. Il y a aussi Nicolas, bien sûr, Eres, qui était là l'année dernière. Oui, je m'en souviens. Vous en souvenez avec ce Vélociraptor voilà, qui était immense. Cette année, j'ai voulu en fait le faire revenir. Parce que premièrement, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il a aussi bien aimé voilà, la MixArt. Et on a parlé un peu ensemble. Et là, il y a quelques. Donc c'est une autre forme d'art aussi qu'il fait. Et je trouvais ça intéressant de jouer avec justement ses sculptures. Mais après les transposer en forme chinoise. Un nom chinois. Voilà. D'accord. Donc voilà, il y a plein de formes d'art différents à découvrir, tout autour d'un verre ou d'une petite assiette, je sais pas, moi de charcuterie ou un truc comme ça. On fait une petite pause et après on creuse encore un peu plus le sujet. À tout à l'heure. Play FM. Get on the floor, you can do it well. Try to dance like a fool. We all know that you feel in hell. A world can be so cruel. Get on the floor, you got just one life. Let's your shame outside. Get on the floor. Your dancing step cuts like a knife. No. Well, with so much energy. And turn it up, music in the air. Got this music in me. Got this music in me. Get on the floor, you can feel the heat. Try a brand new dance. Stepping together to the beat. Looking in a trance. Shake your booty all the night away. Oh, shake it together. Feel the music every night and day. Let's get sur Play FM 89.9 avec Jérémy, donc qui nous parlait de la Mix Art qui va avoir lieu le 10 juin au Bellano. C'est ça, ouais. Donc avec des artistes et je crois qu'il y aura un photographe qui s'appelle Thomas O'Brien. Thomas O'Brien, ouais, il est pas là parce que là il est en Espagne, big up à lui. Mais c'est vrai qu'il voyage beaucoup, il y a encore pas si longtemps il était à San Francisco. Pour l'avoir c'est un peu compliqué, mais en tout cas je suis rassuré et ravi, mais il m'a bien confirmé, il sera bien là le 10. Donc ses œuvres seront là, mais lui aussi il sera présent. Donc c'est bien. Aujourd'hui c'est bien. C'est pas grave. Parce que des fois on peut avoir des artistes, ouais, qui mettent leurs œuvres, ouais. Mais c'est vrai que j'essaie au maximum qu'ils soient quand même présents parce, ouais, que je veux c'est une autre dimension, et surtout que le public, du moins, rencontre ces artistes-là, parce qu'il n'y a rien de tel que l'échange. Et c'est vrai qu'en ce moment et depuis très longtemps, je pense que la communication elle va de plus en plus mal. Donc si, ne serait-ce que par rapport à une soirée comme ça, on peut permettre justement, voilà, avec les gens de donner un côté un petit peu plus humain et apprendre à connaître les gens, alors pas dans leur vie intime, hein, on s'en fout de ça, mais dans ce qu'ils font, moi je dis c'est déjà quand même un bon petit pari bien gagné. Ouais, tu veux dire que c'est pas forcément qu'une expo. Non, c'est pas qu'une, ouais, expo, c'est pas qu'une expo. Moi, je pense que c'est pas, rencontre. Voilà, rencontre, c'est pas qu'une expo, ouais, c'est pas qu'une fête, c'est pas que... J'aime bien la mixité déjà, et j'aime bien justement le rencontre des gens et des genres. Et l'année dernière, ça s'est très bien fait. Et voilà, il y a eu plein d'artistes en plus qui sont venus, qui n'étaient pas programmés à la Mix Art, mais qui sont venus. Mais comme Franck, et voilà, il fait partie de celle de cette année. Donc voilà, et justement, grâce à ça, ça a permis de faire des échanges. Donc j'ai envie que ça continue. En tout cas, la Mix Art, je veux que ça, voilà, vu le reste comme ça. Des rencontres, des échanges, voilà, pour l'avenir, pour. Et puis ça permet après de faire aussi peut-être d'autres projets, d'autres collaborations, ou même entre artistes de se rencontrer. Et qu'ils fassent des collabs ou pas des collabs, mais voilà, ça permet d'avoir un échange assez sympa, artistiquement parlant, je dirais, et humainement aussi. Et monsieur Tilak, qu'est-ce qu'il va nous faire samedi 10 juin? Eh bien, alors ce samedi 10 juin, moi je vais vous proposer donc la sortie de mon album. Ça va être un petit peu la première fois que je vais le jouer en mode live, c'est-à-dire devant du public. Donc je suis très content de pouvoir enfin présenter mon travail à un public averti d'électro. Et donc voilà, ça va être un peu le crash test pour moi, on va dire. Donc je suis en pleine préparation en ce moment et je suis assez content pour l'instant ce que ça va donner. Et vous êtes compositeur, je crois. Alors oui, alors moi je compose de la musique électronique essentiellement sur ordinateur. J'utilise beaucoup de voix que je récupère d'internet ou de mes rencontres justement sur d'autres projets. Et j'aime mixer tout ça, arriver à mixer des instruments qui sont naturels avec des instruments aussi virtuels, faire un espèce de gros mix de tout ça. Encore une fois, on est sur le mélange et le partage. Mix, c'est le mot. Oui, c'est le mix. Ouais, t'as mix vu, t'as vu, c'est fait exprès. Mais voilà. C'était mélanger la musique et l'art. Donc voilà. Après, quand même, il faut le dire, son électronique, pour, des fois, peut-être dans la tête des gens, ils peuvent penser comme quoi c'est un électronique qui est très, très perché ou très, très dur. Pas du tout. Je sais pas, pour ceux qui sont... on l'avait reçu dans une autre radio, sa musique, pour ceux qui sont un peu avertis, fédère, ça parle un peu, je pense, à certains auditeurs, à mon avis, fédère. C'est un petit peu ce genre de musique, un petit peu, tu sais, les musiques un peu calmes, mais tu sais, un peu, tu es sur une plage avec ton transat, t'as un DJ derrière, zen. Avec une musique un peu... C'est pas le truc, c'est pas bourrin, c'est pas du tout bourrin, que les gens ne pensent pas comme quoi c'est un truc complètement bourrin, quoi. On se fait une petite pause et après, Josy va reprendre la parole. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Il pleut des cordes sur le balcon. Le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête. Des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon. Dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. Est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. De tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison. Les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. On reprend l'émission Fly FM et Beka Beka ID avec nos trois invités, dont un artiste plasticien, Franck Garinos. Franck, j'aimerais bien nous dire, que vous nous racontiez ce que vous faites et quels sont vos projets, parce que je crois que vous allez faire un long voyage là pour quelques temps. Oui, effectivement. Alors, je fais beaucoup de dessins à l'encre de Chine. Je fais du travail en numérique. Donc, en fait, à partir de mes photos et de dessins que je scanne, de peintures que je scanne, j'intègre tout, je fais tout un mélange pour créer des petits mondes un peu fantastiques. Je fais des trompe-l'œil, des fresques. J'en ai fini là quelques-uns sur à Monteux avec Ismaël Costa et Pascal Dubois. C'est une collaboration. Une belle fresque, un beau tableau géant qui est très intéressant. Et effectivement, je vais en faire une aussi à Tokyo. Donc je pars en fin d'année pour travailler. Pour combien de temps ? Pour 3 mois. 3 mois. Oui. Et la fresque que vous avez fait, je vous coupe parce que je reviens, la fresque que vous avez fait sur Monteux, on peut la voir ? Oui. Elle est à quel endroit ? Elle est sur la place de la République. Il y a une cour sur la place de la République, une cour avec des ateliers d'artistes. Il y a l'atelier Chrysalide, l'atelier de Frédéric Chandel qui est vitrailliste, Chantal qui est vitrailliste aussi. De Minji, et tout ça c'est dans une cour, et en fait à l'intérieur de la cour il y a la fresque. Ouais, je l'ai vu, je les ai vus travailler. Ouais. Donc il faut aller vous voir dans votre atelier, mais pas entre septembre et décembre, parce que vous êtes au Japon. C'est ça. Et actuellement vous y êtes quand même. Oui. Et aller voir ces fresques qui sont là-bas, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, non ? Il y en a deux. Alors il y a un trompe-l'œil, c'est vraiment le trompe-l'œil, c'est comme son nom l'indique, c'est une fausse façade. Oui. Et après la fresque, c'est un tableau quoi. Vous avez mis combien de temps pour la faire ? Un bon mois, un mois et demi. D'accord. Donc on revient, vous partez au Japon, vous avez d'autres activités, vous allez faire donc participer à cette mix art le 10 juin, c'est ça, au Belando, à l'île de la Bartelas. Tout à fait, oui. Et c'est à quelle heure que ça commence, Jérémy ? Ça commence à 18h et ça termine à 1h30. 1h30 pile poil, faut fermer. Oui. Il y a des normes à respecter, oui. Et voilà, donc on ne veut pas aller contre la loi, donc il faut respecter. Et là, il va nous faire une fresque à base d'encre de Chine. Pas une fresque, un dessin. Un dessin. Mmh. D'accord. C'est un grand tableau. C'est un grand tableau. Ouais. Il sera mis en vente après le dessin. Il y a des chances. Mmh. Bon, on souhaite que ça marche. Parce que de toute façon, c'est déjà bien parti, hein ? Oui. Je bouge pas mal. Oui, hein. Il y en a peut-être qui aimeraient bien partir aussi, hein, pour faire ce que vous faites. Ah, mais il n'est jamais là, hein ? Il n'est jamais là, Claudie, il a essayé de voir plusieurs fois, alors. C'est pour ça qu'on disait aux antennes qu'on va essayer de vous recevoir en septembre, à partir de l'année prochaine, 2018. C'est ça. Non, on va poser le rendez-vous maintenant. Bon, on va faire une petite pause et après on va dire à quelle heure ça commence, quel est le déroulement de la soirée. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? nous voilà revenus sur Play FM 89.9 avec Jérémy qui nous parle de la Mix Art. Alors, comment va être le décor cette année? Cette année, en fait, ça va pas être comme l'année dernière, quoique même l'année dernière, quand on regarde bien, beaucoup de personnes vont me dire, oh, le décor. Alors oui, il y avait des détails, il y avait des petits papillons un petit peu partout, il y avait aussi des... moi j'appelle ça des palmiers, c'est pas des palmiers, mais je connais pas le nom de cette plante, donc je suis navré pour les fleuristes ou voilà, ou les pays. Mais c'était voilà, un style de palmier, il y en avait plein, vous en souvenez, quand on avait mis le Vélociraptor. Voilà, c'était faire une petite scéno, une scénographie un peu sympa. Là, cette année, j'ai pris un... Bah, c'est un choix, mais... je veux que l'art soit vraiment... que l'art suffit en fait à lui-même, voilà. C'est les artistes qui font le décor. Voilà, et en plus de par leur performance, comme Franck Guarinos, ou même comme il va avoir Faustine Dejotte qui va faire le body painting, donc, en plus, parce que c'est très long quand même à faire, ça prend énormément de temps, donc le spectacle se suffira à lui-même. Après, il va avoir bon, des jeux de lumière bien placés, tout ça, il va avoir une ambiance qui va être créée, ça c'est certain, mais pas comme l'année dernière. Je veux que cette année, voilà, l'art, voilà, j'ai que ce mot-là, mais je pense qu'il... Il résume bien que l'art suffit à lui-même. Bah, je crois que tu fais une émission sur l'art, hein, je crois. Oui, aussi. Non, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je suis très sensible à l'art. Mais quand j'étais plus jeune, pas du tout. Mais bizarrement, je sais pas, quand j'ai dépassé les 25 ans, j'ai... Ça, c'est la maturité. J'ai, peut-être, je pourrais pas dire. En charge, c'est vrai. En charge. Moi, voilà, j'ai, mon regard s'est penché sur d'autres choses et je trouve ça simple. Voilà, bon, ben, voilà. Donc, on arrive le 10 juin. Le 10 juin, ouais. Et qui va venir? Qui est invité? Est-ce que c'est un... Bah, déjà, vous, déjà. C'est gentil. Déjà, quand même, au moins un minimum, parce que, bon, voilà, je referai les remerciements, mais parce que vous me suivez quand même depuis un an, quand même, donc je le fais quand même maintenant, zut, tant pis. Merci à vous, vraiment, parce que aussi c'est grâce aussi à vous. Donc, non, mais il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Et c'est... merci. Et je crois que je vais même enchaîner. Non, je te jure, ça me... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Et je pense que vous le savez, même vous, quand vous avez des gens qui croient en votre projet, parce qu'on n'est pas obligé de dire oui, on n'est pas obligé de... Voilà. Et c'est, voilà, c'est aussi ce rapport humain-là. Et merci, vraiment merci. Voilà. C'est je pense que ça va être un bel anniversaire, c'est pour ça aussi. Ah oui, mais j'espère. Voilà. Pour dire, c'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Zut. Donc il y aura Mister Tilak, voilà, donc qui sera présent, comme je vous l'ai dit. Il va avoir aussi Nico F, donc ça c'est des compositeurs. Il va avoir comme DJ aussi Mounka. Il va avoir aussi le concert de Nikolai Vassiliev. Yep. Voilà. Il va avoir donc l'artiste photographe Thomas O'Brien, qui va exposer justement donc ses tableaux. Il va avoir donc l'artiste plasticien Franck Guarinos, qui est bien sûr sur ma gauche, qui va faire une performance, je le répète, en encre de Chine. Artiste en body painting, Faustine Dejotte, qui va faire une performance sur un corps en entier de body painting. L'artiste sculpteur, bien sûr, Nicolas Ires, qui sera présent. On va travailler sur des formes chinoises. Et ben, ça se passe au Bellano. C'est l'anniversaire de 18h à 1h30. Voilà. Donc 2155 chemin de la Barthelas. Toutes les informations, on peut les retrouver sur le... Et oui, cette année, j'ai décidé de faire l'entrée libre. L'année dernière, c'était payant, mais ne serait-ce que pour remercier le public déjà qui sont venus, et puis il y en a qui suivent encore, donc et même qui se rajoutent. Donc voilà, c'est l'anniversaire. Ben voilà, je voulais faire ce cadeau-là. Bon, voilà. On va se quitter. Après, on va continuer à la fin. On récapitulera rapidement où ça se passe. On fait ça. Tout ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Plongé au cœur de plus de 40 minutes de hit sans pub. like a knife, waiting for the drifting from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. FM avec toute notre équipe. Et Alain, je crois que tu vas nous présenter un livre. Et alors, on t'écoute. Vas-y. Alors, Un policier français, La Daronne de Anne-Laure Kerr aux éditions Métellier. 172 pages. Merci. La Daronne, j'adore ça. Alors, mot. On était donc fin juillet, le soleil incendiait le ciel, les Parisiens migraient vers les plages, et alors que j'entamais ma nouvelle carrière, Philippe, mon fiancé flic, prenait son poste comme commandant au stup de la deuxième DPJ. Comme ça, on se verra plus souvent, m'a-t-il dit, réjoui, en m'annonçant la nouvelle 2 mois auparavant, le jour de sa nomination. J'étais vraiment contente pour lui, mais à cette époque, je n'étais qu'une simple traductrice, interprète, judiciaire, et je n'avais pas encore une tonne 200 de shit dans ma cave. Mais comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse, avec une vision morale de l'existence, qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout en élevant ses enfants, qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant les milliers d'heures d'écoute, avec un statut de travailleur au noir, on en arrive à franchir la ligne jaune. Alors rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un go fast et on le fait l'âme légère, en ne ressentant ni culpabilité, ni effroi, mais plutôt, disons, un détachement joyeux. Alors c'est un polar réjouissant, jouissif, adorable. Et là, on découvre que patience portefeuille à 53 ans devient la daronne. La daronne, en argot, c'est la mère, mais la mère dans le sens chef. Mmh. Et c'est super. Comme la mafia, quoi. Oui, ça a l'air d'être... Je crois que tu veux nous parler d'un film. Eh bien là, je crois que la lame qui est dans ton livre, elle a 53 ans. Eh bien, moi aussi. Ah, j'ai choisi un film avec une personnage qui a 53 ans. Ah, oh, mais c'est ça, le vieux. C'est bizarre. Marie-Francine, pas la farine, comme tu as dit, Claudie. Donc, qui sort le 31 mai, qui dure 1h35, qui est de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Patrick Timsy, Hélène Vincent, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Alors, Valérie Lemercier repasse derrière la caméra, après Quadrille, Le Derrière, Palais Royal et 100% Cachemire, où elle s'apprête à faire son retour dans les salles obscures avec Marie-Francine. Marie-Francine, c'est son cinquième film. C'est un long métrage dans lequel l'actrice de 53 ans explore avec humour et finesse, qu'on lui connaît, la question parfois douloureuse du cap de la cinquantaine pour une femme. Donc ce film muet met en scène une quinquagénaire incarnée par la comédienne, contrainte de retrouver vivre chez ses parents, après cette fête larquée par son mari, incarné par Denis Podalydès, qui préfère une femme de 32 ans, et elle a aussi perdu son travail, et au profit d'une recrue plus jeune. Donc transformation complète, la pauvre. Alors déprimée, elle arrive chez ses parents, et là, elle va essayer de rencontrer quelqu'un, et pour ses parents, en plus, ils lui disent, tiens, puisque c'est comme ça, on va monter... On va lui trouver un travail, on lui propose des gars, jusqu'au jour où elle en a un peu marre, elle lui dit arrêtez de me présenter des gens qui... Vous voulez absolument que je me mette à la colle avec eux, ça suffit largement. Donc c'est un film comique, et ça a été tourné dans une vraie loge, à un moment donné il y a une loge, mais ça a été tourné dans une vraie loge. C'est la mère du personnage campé par Patrick Timsy, quant à elle c'est une vraie gardienne d'immeuble. Le mari de cette dame a été remarqué par Valérie Lemercier, rue de Longchamp, dans un bistrot. C'est un qui était au milieu des Portugais, donc il y a des gens qui ne sont pas comédiens au départ. Donc il y a de l'humour. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? C'est... Voilà. C'est bien. Bon, oui, je pense que ça, allez ça, voir. Ça complète bien le livre. Ça complète le livre. Là aussi, transformation, peut-être vengeance, j'en sais rien. Et... Mais là, c'est rue de Longchamp, c'est quand même plus chic. Hein. C'est plus chic. Toi, tu connais Paris. Hein. Moi, je connais pas. On fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the thought is out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. No, I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I'm holding on. Everything's so heavy, holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around. We'll be right back. revenu. Vas-y, on est revenu toutes les deux sur Fly FM. Et moi, je voulais vous parler de ce qui se passe du 26 au 28 mai. Alors, c'est la MAC qu'on a reçue samedi dans Samedi avec vous. C'est la MAC, c'est l'association de Monteux des automodélismes. Et c'est une association qui a beaucoup d'énergie et de passion pour cette, l'automodélisme. Et il y a lieu sur le circuit Jean Noguier une warm-up. Alors une warm-up, c'est de l'échauffement. Parce que figurez-vous qu'au mois de septembre, il va y avoir le championnat du monde de l'automodélisme sur Monteux du 8 au 17 septembre. Et ça va brasser 25 nationalités. Ça va être un gros... Et c'est où ça, Monteux? C'est à côté du karting. Oui, entre Sarrien et Monteux. Voilà, c'est là. Voilà, sur la droite, sur la gauche. Donc, je les ai reçus samedi dernier, j'ai appris plein de choses. Alors, il y a des voitures à 1/18, 1/8, 1/16. Et c'est vraiment un sport. Hein, Monique, tu étais là et c'était très intéressant. Ouais. Pour les jeunes, souvent, ils aiment bien ça. Ben, il paraît qu'il y a de 7 à 77 ans. Hein. Ben, ils rajeunissent après. Très cher. Ben, le monsieur me disait qu'il y a tous les prix qu'on peut... non, il y a des gamins aussi. Oui, oui, des gamins. Des femmes, mais pas beaucoup, parce que c'est pas trop leur truc. Et après, je voulais vous parler aussi de la sortie du week-end. C'est la manifestation à Caron qui s'appelle Kilomètre Zéro. Alors, Kilomètre Zéro, ça veut dire acheter ses produits le plus près possible de chez soi pour pas avoir d'impact. C'est ce qui est un peu... On essaye de faire comprendre là, maintenant aux gens. Alors samedi, nous recevons un responsable qui va nous parler de cette manifestation. Alors ça a commencé mardi et donc c'était un film mardi. Vendredi, il y a la diffusion d'un film « Qu'est-ce qu'on attend ?» sur la production bio, tout ça. Samedi, il y a marché, animation, atelier pour enfants et grands. Et samedi, il y a le concert gratuit avec les Black Sheep, et nous on va l'enregistrer avec Fly FM et on le repassera ultérieurement, je sais pas la date, je vous la dirai. Et voilà, donc on ira à Caron. Oui, c'est très bien. On passe à, de nouveau à Franck. Voilà, Franck nous dit, je crois qu'il voulait nous dire quelque chose tout à l'heure, il a oublié, on n'a pas parlé. J'organise une expo flash. Alors, expo flash, c'est quoi? Ça dure juste un soir. Donc, c'est la 4e ou la 5e que je fais. Donc, le vendredi 2 juin, à la chapelle des pénitents noirs, donc à Monteux, avec nous sommes 5 artistes. Donc il y a Jean-Bernard Tessier qui fait de la peinture, il y a Ismaël Costa qui fait de la peinture, Lilou qui fait de la sculpture en métal, Jade Saget qui est violoncelliste, donc il va nous mettre une ambiance sonore et très intéressante, et puis moi qui vais exposer des encres. Voilà, c'est le vendredi 2 juin à 19h. À 19h. Voilà, mais c'est bien. Et j'en reparlerai la semaine prochaine. Et voilà, est-ce que tu as une autre petite sortie? Non, mais Monique, je crois qu'elle veut... Tu veux nous parler des courses maintenant? Après, alors moi, rapidement, dans le salon bien-être, sachez que vous avez le 20 et le 21 mai à Vaison-la-Romaine, des exposants et des acteurs du bien-être organisés par l'association SEM Essentiel. Donc, vous avez www.salonzen-et-bien-être.com, vous pouvez aller voir. Voilà, c'était une petite anecdote. Sur le 20, donc ce week-end, Salon du bien-être à Vaison-la-Romaine. Voilà, et en Luberon, c'est l'aiguille en Luberon. Alors c'est un machin, c'est rigolo. C'est la 5e rencontre internationale de patchwork et d'art textile. Alors ça se tient du 25 au 28 mai dans les villages de la vallée de l'Aigue, dans le Luberon. Voilà, un territoire entier rend hommage aux arts du fil, avec 30 salles d'exposition quand même, et 14 villages qui participent à cette rencontre. C'est une manifestation importante, vecteur économique et touristique quand même des villages du coin. Hein. Et elle a reçu quand même 4000 visiteurs du monde entier. Et ça permet de faire redécouvrir la région, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez y aller, aiguille en Luberon. On fait une pause et on se retrouve. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. On parle trop fort, on a trop bu, on a trop marché dans les rues, pourtant on sait rien de la vie, vraiment rien. On a tout vu, on a tout cru, on a fini par être sait pourquoi on n'y va pas. On a l'envie, loin de l'ennui. On s'est construit une autre vie. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bricabacalidé. Nous avons Jérémy, The Night in the Garden. C'est dingue, hein, personne n'y arrive. Hein. T'as vu un peu comme ça. Oui, mais remarque, on me dit pourquoi tu l'as pas mis en français. Mais ouais. C'est vrai qu'en français, ça aurait fait un peu bizarre. Mais sinon, c'est Night Eden Garden Events concept. Oui. Night in the Garden, tout avait commencé. En fait, je voulais reproduire, en fait, c'était un concept de soirée. Ouais. J'ai reproduit un jardin d'Éden. Oui. Il y avait 90% de vraies fleurs, il y avait des orchidées, il y avait plein de fleurs. C'est on rentrait dedans, on se sentait. Voilà, et après, c'est sorti comme ça. Bon, ben, on fait une pause, on fait la pub. Pub Fly FM. Dans une minute, le meilleur hit revient. Embarquement Fly FM à destination de la Martinique, Haïti, La Réunion. Tous les dimanches, envolez-vous avec Tiblan aux commandes de l'ambiance créole de 11h à midi. Les retardataires sont priés de se présenter porte Fly FM tous les dimanches de 11h à midi. Allez, viens danser. Fly FM. Voilà, la publicité est passée. Donc Jérémy, est-ce que tu peux récapituler ta soirée du 10 juin qui va être, je pense, une réussite totale. Oh, c'est gentil que la bonne étoile tente. Oui, oui, puis bravo. Samedi 10 juin, donc c'est la petite birthday pour les 1 an, la Mixart. Ça se passera au Bélano, 2155 chemin de la Barthelasse, 84000 Avignon, bien sûr, sur l'île de la Barthelasse. Pour les réservations, parce qu'il y a déjà des réservations. Donc, j'avais oublié de te demander. Ouais, il faut, pour ceux qui veulent venir, avec très grand plaisir, parce que vous pouvez aussi vous restaurer aussi pour ceux qui veulent se restaurer. Parce qu'il y a aussi un restaurant, c'est très très bon. En plus, la carte est vraiment très bonne. Mais par contre, il faut vraiment réserver, parce qu'il y a déjà plus de 30 personnes déjà qui ont réservé. Jusqu'à quand les réservations? Jusqu'à temps qu'il n'y a plus de place, voilà. Mais en sachant que déjà il y a plus de 30 places déjà, il en reste plus beaucoup. Donc il faut vraiment les jours passent. C'est cette semaine. C'est vrai que les réservations vont vite. D'accord. Après, bien sûr, les gens, alors bien sûr pour assurer les gens, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas venir s'installer au restaurant, ils ne peuvent pas profiter de l'événement, parce qu'en plus il y a un patio extérieur avec un bar extérieur. Ceux qui veulent venir ne serait-ce que boire un verre peuvent venir. Ceux qui veulent faire la fête peuvent venir. Voilà, donc voilà. Et après, pour toutes les informations, donc les réservations, vous pouvez les faire au 06 24 06 39 86. Voilà. Et après, sinon, il y a la page Facebook, on peut retrouver toutes les informations. Night Eden Garden, Eden's Concept. Voilà. Chacun son accent, Samedi 10 juin de 18h à 1h30. Et tout le monde est bienvenu. Ah bah oui, même les enfants. Ouais. Parce que c'est vrai que je le dis pas souvent, mais ce n'est pas une discothèque, d'accord. Donc c'est un lieu où même les enfants, les parents peuvent venir. L'année dernière, il y a même des parents avec des enfants qui sont venus pour ne serait-ce que faire découvrir l'art justement à leurs enfants. Donc même les enfants sont les bienvenus. C'est une bonne opportunité, justement. Mais ouais, autant qu'à faire, que ça fasse plaisir à tout le monde ou même découvrir à tout le monde. T'as raison de le préciser, ça. Parce que souvent, des fois, ça fait une barrière. Et puis il y a des parents, des fois, qui, voilà, je suis obligé de faire garder mon gamin parce que je peux pas sortir. Qu'ils ont peut-être peur aussi du bruit, tu sais. Oui, l'ambiance. Alors, ce qu'il faut savoir, si je me réfère à l'année dernière, c'est vrai que essentiellement, les gens étaient à l'extérieur. Je sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu un concert en acoustique. Voilà, donc il y aura ce concert là, mais après le concert, quand il est fini, il y a les DJ, certes, mais ils sont pas en extérieur, ils sont à l'intérieur. Donc je veux dire, les enfants, et puis non plus c'est pas comme un festival, hein. C'est pas il y a des caissons Watmin où ça va, c'est plutôt intime, où ça va dépoter, et voilà, ça reste vraiment qu'est-ce que vous en avez pensé l'année dernière, vous avez trouvé ça un peu fort, pas fort? L'idée de la cour extérieure, on peut justement rester dehors pour ne pas avoir les oreilles, donc c'est vrai que c'est un bon concept. Après, si tu veux aller à l'intérieur, mais voilà, c'est une ambiance différente. Voilà, c'est deux ambiances différentes pour les adultes, mais en même temps, je préfère mieux le préciser, même vos enfants peuvent venir si vous voulez Ben voilà. Mmh. Mais elle a eu raison, Monique, d'aborder ce sujet, parce que quand tu vois dans certains concerts les parents qui mettent les petits devant les enceintes, je ne comprends pas. Même nous avec les bouchons, c'était très fort. Et quand tu vois que tu as des petits devant les enceintes, mais c'est ce que j'allais dire, parce que logiquement ils fournissent, c'est les associations, ils fournissent des bouchons normalement qui sont censés. Ils sont censés. Alors, mais ça normalement après faut pas oublier, c'est quand même les organisateurs qui doivent s'en occuper. C'est eux qui doivent les mettre en place normalement. Et à propos de concert, on a oublié une petite pensée pour Manchester. Eh bien, je savais pas trop. Hier, j'ai eu justement une interview et on m'a permis de pouvoir le dire. Mais c'est vrai que je tenais quand même à faire une grande pensée pour eux. Là, je vais peut-être un petit peu moins gracieux dans mes phrases, mais je trouve ça vraiment dégueulasse, de s'attaquer à des enfants. Déjà, ne serait-ce que même qu'à des adultes qui n'ont rien fait, je trouve pas ça très. Mais alors là, à des enfants, je trouve que c'est vraiment très petit. Mais en tout cas, oui, une très grande pensée pour Manchester. Pour les familles. Pour les familles. Et bien, en tout cas, là où ils sont maintenant, j'espère qu'en tout cas, ils sont heureux, même dans cette tristesse. Mmh. Voilà, on va faire une petite pause. Justement, soyons unis. Tout à fait. Et une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Avec l'émission Bracabracaïdé et Jérémy qui nous a parlé de la Mixart. Et je crois que Monique va nous dire quelques courses et Jérémy après nous dira au revoir. Voilà. Après le plaisir des yeux, ça va être le plaisir de la souffrance physique. Alors, je vous propose le jeudi 28 mai la Loriolade. Donc, c'est une course à pied. Vous avez deux distances, le 12 km, un 5 km et la petite distance, course à enfants. Le samedi. Non, on va passer au jeudi 25 mai. Mais alors là, c'est du VTT, c'est l'ascension du Luberon à Apt. C'est un séjour de 4 jours. et 3 étapes VTT dans l'Luberon. Donc je pense que là, il faut vraiment, si vous voulez le faire, il faut vraiment... vraiment vous mettre sur le site, voilà, être sportif, vous mettre sur le site et vous inscrire parce que c'est un séjour de 4 jours. Vous avez le samedi 3 juin, le semi de l'ANESC à Ville-sur-Ozon, c'est un 22 km. Vous avez un départ à Ville-sur-Ozon et l'arrivée à Monieux. Ça, c'est de la course à pied. Le dimanche 4 juin, la Montilienne, un 12 et un 5 km. Il y a 60% de route, 40% de chemin. Et pour finir, le dimanche 4 juin, c'est du VTT. C'est la 12e rando de la Tuilière à Saint-Saturnin-des-Aptes. C'est 80% du monotrace sur les monts du Vaucluse et les Ocres de Villars. Trois circuits, 18, 30 et 40 km. Voilà, cette émission prend fin. Je vous rappelle la rediffusion vendredi 26 mai de 14 à 15h. Mercredi prochain, nous recevrons une association de Caderousse, Laigo Boulido. J'espère que je l'ai bien prononcé. Va. Et nous prenons fin à cette émission. Donc, je pense que vous avez. Jérémy voulait remercier le Stax et. Le Fly FM, déjà, voilà, qui me suivent, Osmose Radio, le Stax Club, et aussi merci au Bellano. Et voilà, merci aux artistes et aux auditeurs. Vous pouvez retrouver tous mes morceaux sur YouTube et aussi les acheter sur Beatport sous le label Stereo Fly. Merci. Voilà, au revoir à tous. Merci Fly FM. Merci.